suis arrêtée en dehors de la chaussée. Les feux de route servent à voir au loin. Mais quelle en est l'utilité ici? Aucune. Et ils pourraient même gêner les conducteurs qui circuleraient sur cette route. La meilleure solution serait de couper tous les feux, afin que mon véhicule ne paraisse pas être en circulation. Éventuellement, je peux laisser les feux de position, si je pense que mon véhicule a besoin d'être signalé. Mais c'est tout. Réponse B.